chanson, te dire à quel point je me sens bien. Depuis que toi et moi, ça ne veut dire plus rien. Oh oh oh, jolie blonde, ton parfum amer, ta robe longue, ton goût si puissant et enivrant. Au fil du temps, m'ont rendu dépendant. Et je brûlais d'amour pour toi, qui m'asphyxiait, me rendait pâle. Et je brûlais d'amour pour toi, qui tranquillement m'empoisonna. Oh oh oh, jolie blonde, cette fois-ci c'est fini pour de bon. T'auras beau me narguer dans ton coin, jamais plus je toucherai à ton écrin. Oh oh oh, jolie blonde, avec le temps de la réflexion, tu m'étais nocive, j'en ai bien peur. Entre le goudron et la jante saveur. Mais je brûlais d'amour pour toi, qui m'asphyxiait, me rendait pâle. Mais je brûlais d'amour pour toi, qui tranquillement m'empoisonna.